Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce 7e épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui revient sur l'actualité sportive de la semaine. Au programme aujourd'hui, du handball féminin avec Enzo qui reviendra sur le sacre de l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Notre régional sera cette semaine consacré au TFC. Thomas nous parlera de la belle performance du TEF en Europa League et de son état de forme en Ligue 1, avec notamment son match face au Stade Rennais ce week-end. Timothée vous fera un tour des 5 actualités marquantes de la semaine. Dans la carte blanche, Arthur nous parlera de la nomination de Kenny Atkinson en tant qu'assistant coach de l'équipe de France de basketball. En fin d'émission, Marie et Paul débattront sur les faits après Coupe du Monde pour les clubs de rugby français. Puis, vous commencez à avoir l'habitude, on conclura notre rendez-vous hebdomadaire par un petit quiz. J'espère que vous avez bien révisé. C'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire, Pierre Garcia, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Des étoiles dans les yeux et une étoile de plus sur le maillot pour nos handballeuses françaises, Enzo. Elles sont sensationnelles, elles sont brillantes, une force magique. La France est championne du monde pour la 3e fois de son histoire. Alors, à 7 mois des JO qui auront lieu dans notre pays, les Bleus sont couronnés dans une finale maîtrisée de la première à la dernière minute. Face à des Norvégiennes quadruples championnes du monde, face à l'ogre du handball féminin tenant du titre, les joueuses d'Olivier Crumbles ont révolutionné leur jeu et se sont imposées sur un score de 31-28. Les Françaises ont attaqué pied au plancher. À la mi-temps, la France est devant de 3-20. En seconde période, elles se sont battues sur tous les ballons face aux offensives insistantes des stars Steenbreda Loftedal, Nora Mork ou Eni Restad. Performance marquante donc et offensive réussie, la France a pu compter sur une attaque de feu. Quel match de Léna Granvaux, un très grand match de l'ailier nantaise entré à la 21e minute, des appuis éclair cassant les reins de la défense norvégienne, 5 buts en 3 minutes dans le money time, bref, Granvaux régale et tout cela à seulement 20 ans. D'autres ont brillé comme Paoletta Foppa ou Estelle Nzeminko, la capitaine française a concilié ses responsabilités et ses performances individuelles. Comme le dit si bien son entraîneur, Estelle c'est le soldat qui porte le drapeau. Lors des derniers championnats du monde, la France s'était inclinée face aux mêmes Norvégiennes en finale. La différence s'est faite sur la profondeur de banc, Enzo. Laura Granvaux, Atadou Sakho, Chloé Valentini, le banc français a mené l'équipe au sommet lors de cette finale. La gardienne remplaçante Atadou Sakho a beau être la plus âgée, 28 ans, on ne l'attendait pas à ce niveau-là sur un tel sommet international. Et ce, pour prendre un relais décisif de Laura Glauser en deuxième période avec 4 arrêts. Un banc de folie qui a su faire la différence au bon moment, sans oublier les prestations exceptionnelles des taulières de cette équipe. La gardienne Laura Glauser a su garder le temple bleu en Scandinavie. Médaillée d'argent aux Jeux de Rio en 2016, elle était blessée lorsque la France s'est éparée d'or à Tokyo à l'été 2021. Mais la franc-comtoise a sorti une performance monstrueuse en demi-finale face à la Suède. Mais dans tout ça, moi je veux parler de Tamara Horacek. Ah, Tamara Impérial en quart face à la République tchèque, fracassante face à la Suède en demi-finale avec un 9/10 au tir. La demi-centre n'a connu qu'un échec, un jet de 7 mètres à la 34e minute. Une colonne vertébrale renforcée par un banc qui a montré toute son importance dans ces championnats du monde. À l'aube des JO de Paris, nos Bleus sont-elles les grandes favorites, Enzo ? Comme une évidence, que faut-il de plus ? La capitaine norvégienne Oftedal l'affirmait en fin de match, nos Bleus sont les favorites. Alors comme je vous le disais en préambule, nous sommes à 7 mois des Jeux Olympiques 2024 et la France arrive avec un bagage conséquent. Un titre de championne du monde et le dernier titre olympique obtenu à Tokyo en 2020. Bref, le temps est bon et on espère que le ciel sera bleu à Paris pour l'équipe de France féminine de handball. Merci Enzo, on attend avec impatience de voir nos Bleus évoluer aux Jeux Olympiques. Passons sans plus attendre à notre régional. Toulouse enchaînait ce dimanche en Ligue 1. Après être allé gagner en Autriche face au LASK, les Rennais se dressaient sur le chemin du TFC dans un duel des mal classés. Oui, absolument. La semaine avait parfaitement débuté ce jeudi, puisque le TFC, qui n'avait besoin que d'un point pour assurer sa deuxième place, a gagné. Cette victoire garantit un accès au barrage de la Ligue Europa face à des adversaires reversés de la Ligue des Champions. Toulouse a d'ailleurs tiré Benfica, qui l'affrontera en février. En Ligue 1, c'est bien sûr plus compliqué, puisque les Toulousains restaient sur une lourde défaite 0-3 face à l'Olympique Lyonnais, pourtant bon dernier. Il fallait rebondir pour les hommes de Carles Martinez Novel, puisque ce n'est que grâce à leur meilleure différence de but qu'ils sont devant le barragiste Lyon. Rennes n'est pas beaucoup mieux. 13e avant la rencontre, avec 2 points de plus que le TFC, il faut des points. Le TFC d'ailleurs n'en a pris que 5 depuis 2 mois, des chiffres qui donnent franchement le vertige. Toulouse a donc attaqué ce match avec de l'envie face à une belle équipe de Rennes. Ouais, sur le papier, il y a de la qualité. Kalimuendo, Terrier et Ludovic Blas devant. Rennes, qui ne restait que sur une victoire lors des 8 derniers matchs en championnat depuis l'arrivée de Julien Stéphan, avait soif de victoire. Ce sont les Toulousains qui débutent ce match avec de l'envie. Plusieurs fois, ils s'approchent de la surface rennaise sans être tranchants. Avec 2 sorties approximatives du gardien Steve Mandanda, les Violets ont des occasions de marquer en première mi-temps, qui offrent d'ailleurs 2 balles de but à Dalinga, puis à Gélabert. Pourtant, le TFC rentre à la pause sur un score nul et vierge et a failli concéder l'ouverture du score ensuite. Ouais, Carles Martinez Novel l'a dit en conférence de presse d'après-match, on n'était pas assez tueur. On sent que Toulouse a peut-être laissé passer sa chance à la mi-temps. Pour les hommes de Julien Stéphan, ces joueurs avaient mal débuté la rencontre. Mais en seconde période, c'est tout l'inverse. Les Rennais pressent, mettent plus d'envie, plus d'impact, quelques situations, des corners obtenus, mais au final pas beaucoup de tirs cadrés. Côté TFC, une grosse occasion sur un coup franc tiré par Vincent Sierrault, sorti par une sublime claquette de Mandanda. C'était un match de gardien au stadium, puisque Guillaume Rest répond à Steve Mandanda. À la suite d'un corner, le portier sort un super barré réflexe sur sa ligne, dans le temps additionnel, sur une tête smatchée de Christopher Wu. Toulouse a donc montré 2 visages, comme souvent. Une première période qui a ressemblé à ce que les Violets font en Coupe d'Europe, une seconde période à l'image de leur première partie de saison, morose. Toulouse a donc encore plus besoin de points qu'avant le match, et ça tombe bien, mercredi soir, ils reçoivent Monaco. Et on espère de tout cœur que le TFC profitera de ce match pour se relancer. Passons maintenant à notre actu en bref avec Timothée. Timothée, c'était décidément une grande semaine pour les équipes de France. Oui, un an après la finale des footballeurs et en pleine semaine de sacre pour les handballeuses, le timing était parfait pour l'équipe de France de futsal. Les Bleus ont écrasé la Slovaquie 7 buts à 1 jeudi soir à Laval et se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour la Coupe du Monde. Les Bleus iront défendre leur chance au Mondial 2024, le 10e du nom, en Ouzbékistan. C'est un immense exploit pour les Bleus, qui ont connu une progression fulgurante en 2 ans pour se hisser parmi le gratin mondial. Ce n'est que la 2e phase finale des Bleus après l'Euro 2018. Foot toujours, les clubs français sont désormais fixés sur leurs adversaires en Coupe d'Europe. Tirage clément pour le Paris Saint-Germain qui affrontera la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens, qualifiés in extremis, héritent de l'adversaire le plus abordable parmi les têtes de série. En Europa League, les clubs français ont été moins vernis. Toulouse affrontera Benfica, Rennes défiera l'AC Milan et Marseille se frottera au Shakhtar Donetsk. Pour Lille, il faudra attendre février. Les Dogs, premiers de leur groupe, sont exemptés de barrage en Conference League. En biathlon, personne n'arrête Justine Brezaz-Boucher. Incroyable triplé pour la française. Brezaz-Boucher n'a laissé de chance à personne cette semaine à l'Enserai 2 en Suisse en s'emparant de 3 breloques dorées. Vainqueur du sprint, de la poursuite et de la mass start, JBB a même été rejointe sur le podium de la poursuite par Julia Simon, médaillée d'argent. En remportant la mass start, Brezaz-Boucher récupère même le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, ce même dossard jaune qu'avait perdu Lou Jean Monod la semaine dernière. Champion du monde toujours, Kevin Mayer a fait l'impasse sur le décathlon de Brisbane. Le recordman du monde de la discipline avait prévu de longue date de s'aligner à Brisbane avec l'idée d'y réaliser les minima pour Paris 2024. Absent depuis son abandon aux Mondiaux de Budapest l'été dernier, Kevin Mayer est insuffisamment remis de sa blessure à la hanche. Le champion du monde 2022 a donc annulé sa participation à l'épreuve de Brisbane, remportée samedi, sans minima, par l'Australien Cédric Dubler. Kevin Mayer prévoit désormais de s'aligner à San Diego fin mars. Au KSW89, Saladin Parnasse n'a pas réussi à relever son défi. Parnasse avait l'occasion samedi soir d'inscrire son nom dans l'histoire du MMA en remportant 3 ceintures simultanées dans 3 catégories différentes. Champion des plumes et des légers, Parnasse cherchait le titre des poids mi-moyens contre Adrian Bartoszynski. Mais le Français, en difficulté, souvent coincé contre le bord de la cage, s'est même retrouvé au sol d'un violent coup de genou en plein nez dans le 3ème round. C'est finalement sur décision des juges que Parnasse s'incline. Battu, mais pas abattu, Salah a donné rendez-vous à ses fans en avril à Paris pour une nouvelle conquête de la ceinture. Dommage pour le sport français qui est passé tout près d'un nouvel exploit. C'est maintenant l'heure de notre carte blanche avec Arthur. Plongez maintenant dans le monde de la balle orange. Je crois que ça a un peu bougé dans le staff de l'équipe de France, Arthur. Tu peux nous raconter ça ? Oui, et pas qu'un peu d'ailleurs. Et si c'était plutôt côté joueur qu'on attendait du lourd avec la potentielle arrivée d'un Joel Embiid qui a finalement préféré les USA, c'est chez les coachs qu'on a décroché une pointure. pas de MVP donc, mais le nouvel arrivant nous vient lui aussi de NBA. Il n'y a d'ailleurs pas fait de la figuration puisqu'il a récemment été auréolé d'un titre en tant qu'assistant coach. Mais alors, qui est ce talentueux entraîneur qui va venir épauler nos Bleus dans la quête de résultats aux Jeux Olympiques de Paris ? Joueur modeste passé sans éclat par l'Europe au début des années 2000, c'est moins sur les parquets que sur le banc qu'il s'est illustré. On parle bien sûr de Kenny Atkinson. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un coach au talent reconnu outre-Atlantique qui écume la Grande Ligue depuis de nombreuses années, 2008 si l'on veut être précis. Et il a appris des meilleurs puisqu'il était assistant de Mike D'Antoni puis de Mike Budenholzer, respectivement aux Knicks puis aux Hawks. Le premier a été l'artisan des Houston Rockets de James Harden qui sera couronné d'un MVP sous sa direction en 2018 et il a été précurseur dans la révolution du 3 points en NBA. Quant à l'autre, c'est plutôt sa philosophie défensive qui l'a aidé à faire éclore Giannis Antetokounmpo, meilleur défenseur de l'année et deux fois MVP en 2019 et 2020 sous ses ordres. Un travail couronné d'une bague en 2021 avec les Bucks de Milwaukee. Aux côtés de telles références, Atkinson a pu acquérir de solides bases. On savait que le staff de l'équipe de France serait remanié après le fiasco de la dernière Coupe du Monde, mais une telle pointure n'était clairement pas attendue. Oui, d'autant que je ne vous ai pas encore parlé de ses expériences les plus marquantes. Entre 2016 et 2020, il est l'entraîneur des Brooklyn Nets, une franchise qu'il récupère au bord du gouffre et qu'il va reconstruire petit à petit avec l'aide de son général manager, Sean Marks. Il récupère D'Angelo Russell et va en faire la pierre angulaire d'une équipe que toutes les autres envient pour son jeu collectif et la bonne ambiance qui s'en dégage. Après une petite année à peine, le jeune meneur va obtenir sa première sélection au All-Star Game grâce à une première partie de saison 2018-2019 des Nets qui surprend tout le monde. Ils finiront par se qualifier pour les playoffs où ils tomberont avec les honneurs face aux Sixers d'Embiid et Simmons. Bien qu'il ait ressorti les Nets des tréfonds de la Ligue en moins de 4 ans, la belle aventure s'arrête brusquement lorsque la franchise change de cap et fait all-in en signant Kyrie Irving et Kevin Durant. Et en quoi Atkinson va pouvoir aider l'équipe de France ? Au-delà de toute son expérience que l'on vient de détailler, c'est surtout son poste actuel qui nous intéresse. Entraîneur adjoint des Warriors depuis 2021, il y a gagné son premier titre NBA en 2022. Il connaît donc intimement Steve Kerr, coach des Warriors et de Team USA, et Stephen Curry qui en sera le leader à Paris. C'est un atout de plus pour pouvoir déjouer leur plan, qu'il a en partie pu assimiler lors de son travail à leur côté. Cerise sur le gâteau, il maîtrise déjà le français qu'il a pu apprendre durant son passé de joueur. Et que doit-on penser de ces grands mouvements à la tête de notre équipe de France ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient attendus après une Coupe du Monde catastrophe où la France est sortie dès les phases de poule au détriment de la Lettonie. Oui, oui, ce n'était pas un vilain cauchemar, nous avons bien été éliminés par la Lettonie du terrible Davis Bertens. Après plusieurs années de bons résultats, c'était un peu la panique à un an des Jeux. Les joueurs eux-mêmes avaient réclamé l'arrivée de quelqu'un avec l'expérience de la NBA, et avec Atkinson, ils sont servis. Autre point positif, il connaît déjà Batum, leader de vestiaire, avec qui il a partagé une saison aux Clippers. Alors que certains réclamaient le départ de Vincent Collet, actuel entraîneur, la direction a opté pour une transition plus en douceur. L'intégration prochaine de Wemby et la passation de pouvoir entre les générations nécessitaient peut-être de maintenir cette continuité. D'autant que Collet a déjà coaché Victor, est connu pour savoir ménager les égos et connaît les tauliers de l'équipe. Pour autant, il n'est pas exclu qu'Atkinson, plus réputé pour ses qualités tactiques, le remplace un jour et peut-être plus tôt qu'on ne le croit. Merci Arthur de nous avoir fait découvrir ce personnage méconnu, mais qui sera, on l'espère, primordial dans les futurs succès de nos Bleus. J'accueille désormais Marie et Paul pour notre débat hebdomadaire. Je regarde ma montre, c'est maintenant l'heure du débat. Après deux journées de Champions Cup, les résultats sont plutôt décevants pour les clubs français. Alors Marie, Paul, pensez-vous que la Coupe du Monde a pu plomber nos représentants de top 14 ? Ouais Axel, après une fois n'est pas coutume, je pense qu'on va plutôt être d'accord sur le fond avec Marie. Comme tu l'as dit, après les deux premières journées de Champions Cup, le résultat est malheureusement sans appel. Les clubs français sont en délicatesse, c'est comme ça. Ce week-end, 5 défaites pour seulement 3 victoires, c'est un peu la cata. Même si on va le voir, le bilan est quand même à relativiser. Alors est-ce que la Coupe du Monde a pu jouer un rôle dans ces résultats ? C'est vraiment difficile à déterminer. Mais on peut pas écarter l'éventualité que certains internationaux ont encore du mal à se remettre dedans, Marie. On a décidé de se focaliser sur trois clubs, donc La Rochelle, Toulouse et Bordeaux, qui sont les trois clubs les plus touchés par les problèmes internationaux. Et pour les Rochelais, double tenant du titre, clairement ça ne va pas depuis la reprise. Deux défaites en deux matchs, la qualification s'éloigne avec le nouveau format de la Coupe d'Europe. Il leur faudra un sans-faute en janvier. Ils ont perdu chez eux face au Leinster et ce week-end face aux Stormers à la Sirène. Indisciplinés et en manque de confiance, finalement ils sont dans la continuité de ce qu'ils font en top 14, sauf qu'avec ce nouveau format, ils sont en difficulté. Donc les joueurs qui ont fait la Coupe du Monde ne sont pas encore remis. On peut parler de Danti qui n'est pas revenu à son pic de forme, comme on a pu le voir l'année dernière quand ils ont été champions d'Europe. Ouais, c'est vrai, puis on peut également parler de Grégory Aldrit qui a décidé de prendre une pause après cette Coupe du Monde et qui reviendra seulement en janvier, et on sent que c'est quand même un renfort de poids qui manque dans le pack d'avant Rochelet. Donc clairement ils sont en difficulté et il va falloir remettre tout ça dans l'ordre pour le mois de janvier. Mais rassurez-moi quand même, il n'y a pas que des mauvais résultats côté français. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que vraiment personne ne réagit pareil. Si on prend l'exemple de Toulouse, leur performance était plus que moyenne en championnat, ça fait 2 mois qu'ils commettent beaucoup d'imprécisions, qu'on reconnaît pas vraiment leur jeu, et finalement avec le début de la Champions Cup, on les a retrouvés à leur vrai niveau. Ils sont portés par une charnière Dupont-Ramos qui retrouve de l'allant offensif, comme toute la ligne d'arrière, mais aussi par un pack d'avant qui a retrouvé de l'allant, qui est dominateur en conquête, et ça marche. On l'a vu, là, 2 cartons contre Cardiff et les Harlequins, ça les lance parfaitement dans cette compétition. Alors ils avaient besoin de ça, de nouveaux défis, de nouveaux challenges pour se relancer peut-être individuellement et collectivement. En tout cas, c'est ce que pense Antoine Dupont. Il a dit que ça lui faisait du bien de jouer en Champions Cup, peut-être aussi de jouer contre des clubs étrangers. Ça donne un nouveau défi et en tout cas, on voit que sur le terrain, ça a payé. Du côté de Bordeaux, tout roule aussi. Les internationaux sont performants. On peut voir que la connexion entre les internationaux, Penaud et Jalibert notamment, ça marche. Penaud, il est à 9 essais en 6 matchs. Donc, ils sont sur une série de 4 victoires, toutes compétitions confondues, dont 2 en Champions Cup où ils ont écrasé leurs adversaires. La ligne de 3 quarts met en place un jeu d'attaque flamboyant, donc tout ça pour dire que tout le monde rebondit différemment et du côté de Bordeaux ça marche bien. Tout ça pour dire qu'aucun club n'a réagi pareil à cette après-coupe du monde, les dynamiques se croisent et il va sûrement falloir attendre janvier pour savoir qui va pouvoir se qualifier pour les quarts de finale et peut-être pour retrouver des performances un peu plus lissées pour tous ces clubs français. Merci à vous deux, on se donne donc rendez-vous en janvier pour la suite de la Champions Cup. Maintenant, place au quiz. Ah oui, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur. Place au quiz donc maintenant, avec à ma gauche Paul et Tim, à ma droite Enzo et Marie. 2 victoires en cumulé pour chacune des 2 équipes, est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Oui. On commence avec la première question, j'espère que vous avez suivi la NBA cette nuit. Que s'est-il passé pour Stephen Curry cette nuit? Il a marqué un 3 points. Il s'est blessé. Paul, t'es pas loin, mais il c'est a marqué le... 10 3 points. T'es pas loin du tout, mais record, c'est le... de 3 points à NBA. Mais vous êtes pas loin. C'est la fin d'une série en NBA. Paul et Enzo, vous êtes pas loin, mais je vous donne un indice. C'est plutôt la fin d'une série dont on parle. Il n'a pas marqué 3 points. Pour la première fois en match depuis longtemps. Je donne le point à l'équipe de Paul et Timothée. Ah oui, d'accord, parce qu'il a rajouté plus de mots. Stephen Curry n'a pas marqué de 3 points pour la première fois depuis 268 matchs. Ce n'était plus arrivé depuis le 8 novembre 2018. 1 point pour Polo et Timothée. Deuxième question, contre qui est tombé l'Atlético de Madrid pour les 8e de finale de Ligue des Champions? L'Inter. Bonne réponse pour Enzo et Marie, 1 partout. Troisième question, qui a gagné ce lundi le 2e géant couru d'Alta Badia en Italie? Marco Odermatt. Et c'est une bonne réponse pour Paul, 2 points pour Paul et Timothée, 1 point pour Enzo et Marie. Golf maintenant, qui a remporté le 4e tour de l'Afrasia Bank Mauritius Open? Paul Gallardo. Louis Ostusien. Et bonne réponse pour Paul et Timothée. C'est une victoire. 3 points à 1. Bon, je vous pose quand même la dernière question. On sait jamais. Quel fait insolite s'est passé pour Stromshine lors de la poursuite de Lainsered au biathlon ce week-end? Il a fait tomber son chargeur en bas du patin. Et il a dû enlever ses skis pour aller chercher le pistolet. Non, pas le pistolet, le chargeur. Le chargeur. Je compte le point pour Paul et Timothée, ça fait 4-1, c'est une humiliation. Mais non, c'est pas une humiliation. Paul et Timothée, donc maintenant vous êtes à 3 victoires en cumulé, on est à 2 victoires, c'est une nouvelle victoire pour Paul et Timothée. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur EJT Sport. C'était le dernier épisode de l'année, mais on se donne rendez-vous en janvier pour un nouvel épisode de votre podcast préféré. EJT Sport, le podcast, part en vacances, mais on reste actif pendant ces 2 semaines. Vous pourrez retrouver du contenu exclusif sur nos pages Facebook, X et Instagram. Et pour l'année prochaine, on vous réserve bien des surprises, alors restez avec nous. À très vite et vive le sport. Ballon.